dégagé. C'est pour ça moi qui obligé de m'en bien à moi. C'est pour ça moi qui obligé de dégagé. C'est pour ça moi qui obligé de C'est pour ça moi qui obligé de dégager. C'est pour ça moi qui obligé de dégager.